Magali, Magali, qu'est-ce qui m'a pris de t'emmener au Sainte-Marie de la mer? Ah, si j'avais pu deviner que le malheur était dans l'air. Magali, tu as préféré les guitares au son des fifres et tambourins. La farandole provençale ne me donnera plus la main. Entendi les tambourinaires, aimé les fifres perdant ça. L'amour qui pourra passer taille n'est jamais serré pour moi. Magali, elle est sous l'eau de la Camargue, mi fa tant ma au fond au bois. Qui s'irrite ou qui m'inargue, est-ce que ça y voit de ma moi? Magali, Magali, qu'est-ce qui t'a pris de t'en aller pour le pays de nulle part? Parce qu'un gitan t'a regardé en faisant chanter sa guitare. Magali, toute l'accro résonne encore d'Arles de Nîmes jusqu'à Marseille, de ma voix qui criait si fort que j'ai gardé mal aux oreilles. Entendez les tambourinaires, aimez les fifres perdant ça. L'amour qui pourra passer taille n'est jamais serré pour moi. Magali, un souleau de la Camargue, mi fa tant ma voix fond au bois. Que s'irrite ou que m'inargue, est-ce que ça y voit de ma voix? Magali, Magali, sous le soleil de la Provence, ma tête est prête à éclater. J'entends les fifres qui s'avancent, rien ne peut plus les arrêter. Magali, ma tête cogne encore plus fort, le soleil n'a plus de pitié. Qu'est-ce qui t'a pris de me quitter? Oh Magali, dansons encore. Entendi les tambourinaires, aimé les fifres perdant ça. L'amour qui pourra passer taille n'est jamais serré pour moi. Magali, et le souleau de la Camargue nous va tomber un couvre dans le sein. Embrasse-moi qui t'y regarde, oh Magali,